J'aimerais être Super Mario pour pouvoir sauter haut, parcourir le monde champignon, château de Peach à l'horizon, pouvoir cracher des boules de feu et voler dans les cieux, sauter de plateforme en plateforme, franchement ça serait énorme.